solution, ma solution. Who do you turn to when things go wrong? When times are hard, who do you turn to? Who do you speak to? And what do you do when you've done enough and no longer know what to do? What do you do? Who do you speak to? Jesus is our help in times of need. Times of need, and He will give you love. I heard if you seek His kingdom first, every other thing you need. Listen to Jesus. His name is Jesus. Jesus. Bonsoir, que la grâce, la paix et l'amour de notre Seigneur vous soient multipliés. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen, amen, amen, amen. Le frère Paul, bon, bien, hein? Le frère Paul Espérance, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, mon frère. La sœur Christine, qui est une côte de notre frère Espérance, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir, frère Junior. La sœur Assetou Adara, bonsoir de l'autre côté d'Abidjan. Bonsoir, frère Junior. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Amen, amen, amen. Le frère Serge Nguessan et son épouse qui imite mon épouse avec la grossesse. Bonsoir et bienvenue. Ton micro. Le frère Jacques Bissang, du côté de Lomé au Togo, bonsoir et bienvenue. On a du mal à entendre. Hein? Le frère Paul Espérance, tu m'entends, n'est-ce pas? Ouais, tranquille, ça va. Donc ça veut dire que lui, il a des problèmes là-bas. N'est-ce pas? La sœur Audrey, du côté de Boaké, bonsoir et bienvenue, Audrey Kwabena. Bonsoir et bienvenue. Décidément, le micro de l'autre côté de Boaké. Le frère Jacques, ça va? Bien, bonsoir et bienvenue. Tu nous entends, n'est-ce pas? Non. Le frère Jacques nous entend. Le frère Serge, toi tu as des problèmes avec ton micro. Le frère Jacques, ça va? Ouvre ton micro, ouvre ton micro, ouvre ton micro, on ne t'entend pas. Et on voit seulement ta main que tu balances. Tu entends? Le frère Jacques, tu nous entends, n'est-ce pas? Le frère Jacques. Non, ton micro n'est pas bien. Il faut sortir du groupe, tu rentres encore. Ça va aller, d'accord? Donc, quitte le groupe, puis tu entres encore. Et ça va aller. Qui d'autre est là? Qui est-ce que je vois sur mon écran de contrôle? Le frère Jacques? Non. La sœur Audrey, bonsoir et bienvenue. Voilà. Merci. C'est que ça va du côté de Boaké? Oui, frère, ça va très bien par la grâce de Dieu. Voilà, le frère Serge Nguessang, ton micro est également ouvert. Bonsoir, bonjour et bienvenue. D'accord, bonsoir, frère Junior. Oui, je vois ton micro ouvert. Et ton épouse aussi, bonsoir. Bonsoir, frère Junior. Ça va? Ça va. Le bébé ne tape pas trop? Le frère Achinda, bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère Junior. Voilà, tu me vois. Bonsoir toutes les soeurs et tous les frères. Shalom à vous. Shalom. Bonsoir frère. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Je crois que on va attendre les autres frères. Le frère Madoché, bonsoir. Bonsoir frère. Ça va? Voilà, le frère Jacques, tu as rejoint la conversation, ton micro est ouvert du côté de Lomé au Togo. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir frère, bonsoir les soeurs. Voilà. Vous bénissez aussi. Voilà. Bonsoir. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que le frère Bamba Iba est en train de faire un travail fou là-bas sur le site Bamba Iba. Et je crois que l'un des enseignements que nous avons fait pour la Côte d'Ivoire a été déjà publié. Puisse le Seigneur le bénir, bénir sa famille et lui accorde ce que le cœur désire. Amen. Amen. Dans vos prières, pensez à eux parce que ce n'est pas facile avec son travail séculier, la famille et également tout ce qu'il en est de faire pour le Seigneur. Il faut honorer de tels hommes. Amen. Amen. Amen. Il faut honorer de tels hommes. Pensez à eux dans la prière. Et pensez aussi, comme j'ai vu sur le forum, à la sœur Audrey qui doit composer son concours, que le Seigneur lui donne cela, parce que nous ne devons pas passer par des voies pernicieuses comme les autres enfants. Prions que la grâce du Seigneur repose sur elle et que ce ne soit pas elle qui écrive, que ce soit le Seigneur. D'accord? Amen. Pensons à la sœur Audrey dans la prière par rapport à son concours. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je crois que ça sera encore une autre rencontre fructueuse ici aujourd'hui. Pendant qu'on y est, avant d'entrer dans le vif du sujet, le frère Jacques de Lomé au Togo, tu as le sourire sur la bouche comme ça, tes lèvres sont ouvertes comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas parler? Parle. Amen. Oui, parle, on t'écoute. Amen. Ah non, je suis très content d'être en famille. Je suis vraiment très content et surtout la grâce ta femme veut parler, elle veut parler, laisse-la parler, peut-être elle est joie sur le cœur. Madame, viens parler alors dans Côte d'Ivoire, dans la sainteté. Même si tu parles en patois, mais le mari va interpréter, ne t'inquiète pas, elle a le don d'interprétation. Parle-nous. Le frère Jacques, parle-lui, dis-lui de lui parler parce que c'est toi le chef, donne-lui l'autorisation alors. Ton micro est parti là. Tu as touché ton micro. Ne touche plus ton écran. Il faut être calme comme le frère Paul qui est là-bas, calme comme le pape comme ça. Vous voyez, son micro est toujours ouvert. Alors le frère Jacques, un effort encore et ton micro sera ouvert. Pendant que tu en es touché à ton micro, je m'en vais du côté de la sœur Audrey. La sœur Audrey, ça va? Oui, frère. Comment tu était la semaine depuis la dernière rencontre jusqu'à maintenant? Oui, frère, ça va. Ok. Le frère Serge, ne t'inquiète pas, le cri devant le Seigneur pour la famille est exaucé, d'accord? Amen. Ne t'inquiète pas. Amen. Ne t'inquiète pas. Amen. Pourquoi la sœur Christine? Amen. La sœur Christine, vous êtes dans le même endroit, c'est quoi? Sœur Christine, tu es dans un autre endroit, dans un autre environnement. J'encourage le frère Serge. Tu connais ce que c'est dont je suis en train de parler? Non, pas particulièrement. Mais je l'encourage quand même, c'est mon frère. C'est ton frère. Amen. Amen. Je retourne du côté de Lomé au Togo. Le frère Jacques Bissan, est-ce que la connexion, ça va déjà? Le micro, ça va? Ce n'est pas toujours bien. Si tu m'entends, sors encore du forum et puis réentre encore. Et par la suite, ne touche pas le micro. Voilà. Nous allons commencer. Il faut que votre connexion se stabilise avant qu'on voie ce que nous allons voir tout à l'heure. Alors le frère Jacques, non, il est parti, il reviens-nous dans quelques instants. La soeur Assetou, comment tu vas avec ton chéri? Frère. Oui, la connexion... Je vais bien par la grâce de Dieu. Voilà, et ton chéri? Il va bien par la grâce de Dieu. Amen, donc ton chéri va bien, sauf la connexion qui ne va pas du tout bien là, et que nous pensons que par la grâce du Seigneur ça ira. Donc, on patiente, je vois la qualité du réseau médiocre. Ce n'est pas le propre des chrétiens, mais ça va s'améliorer. Que le Seigneur vous bénisse. Le frère Achille, amen. Depuis la semaine dernière, comment ça va? Voilà, le frère Jacques, ton micro ouvert. Bienvenue encore du côté de Lomé au Togo. Bonsoir, frère, bonsoir, les soeurs. Voilà. Maintenant, bonsoir. Ton épouse peut parler maintenant, non, n'est-ce pas? Parle-nous. Pourquoi vous êtes content comme ça, ou vos visages sont radieux? Nous sommes contents parce que Dieu nous a, à cause de la grâce de Dieu, la semaine passée. Et vraiment, nous sommes très contents, pour le travail que Dieu a fait. C'est très grand. Mais raconte dans les détails. Le frère Achinda et le frère Espérant, coupez d'abord vos micros le temps que le frère parle, parce qu'il y a une légère interférence là-bas. Le frère Jacques, le temps que le frère Jacques est en train de parler. Voilà. Frère Achille, coupe ton micro, ainsi que le frère Paul Espérance. Le frère Jacques, vas-y maintenant. Donc, nous sommes très contents parce que nous rendons vraiment grâce à Dieu pour ce qu'il nous a fait la semaine passée. La semaine passée, il nous a vraiment assisté et actuellement, moi et ma femme, nous le rendons grâce. Et c'est pour ça que cette joie jaillit sur nos visages comme ça. Que Dieu vous bénisse aussi. Amen. Pour vos prières. Amen. Sois béni. Le frère Achinda, parle-moi de ta fiance. Amen. Parle-nous de ta fiance. Non, ça c'est une question privée. Est-ce qu'on peut commencer ce soir? Oui. On va prendre une légère ponctuation et on va revenir tout de suite après. On prend une légère ponctuation, d'accord? Vous me dites ce que vous allez suivre là. Vous me dites ce que c'est. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici, viens, viens. C'est miracle, tu veux, viens chez moi, viens, viens. Tu aimes les riz, papa, papa, viens chez moi, viens, viens. Tu adores les riz, popo, popo, viens chez moi, viens, viens. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler. Amen. Tu vas enfanter. Amen. Tu vas voyager. Oh, amen. Tu vas te marier. Amen. Tu vas prospérer. Oh. Tu es bon pour ça. On répond vivement. Amen. Parce que si le pasteur t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère et ma soeur, tu verras pas la quête. Ah, y a miracle ici. Viens, viens. C'est miracle, tu veux, viens chez moi. Viens, viens. Tu aimes les riz, papa, papa, viens chez moi. Viens, viens. Tu adores les riz, popo, popo, viens chez moi. Viens, viens. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Oh. Pour ça, on répond froidement. C'est les gens les fidèles qui aiment flatter les bergers. Oh. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini ça. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair des foules. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. À toi, il y a miracle ici. Merci Dieu. Voilà, voilà, voilà, voilà. Triste réalité que nous vivons dans les assemblées aujourd'hui. Pas vrai, Achille, le frère Achinda? Effectivement, frère Julien. Effectivement, c'est le constat, c'est ce que nous voyons tout, la plupart des assemblées, c'est ce que nous remarquons. Les fidèles sont plus aiment plus les prophéties de bénédiction concernant la doctrine de la prospérité, que ce soit le mariage, les biens de ce monde. Donc, c'est vraiment le sujet de l'actualité dans la religion. Voilà, voilà. Merci pour cette entrée en matière. Je crois que ce soir, nous allons essayer de disséquer ces sujets-là avec le sujet, une série que nous allons commencer avec la Côte d'Ivoire. Attention, la déception par les miracles. La déception par les miracles. La déception par les miracles. Nous allons voir cette série. Nous allons voir une série de vidéos plaisent à Dieu. Nous allons glisser dans le pentecôtisme avec le parler en langue et tous les autres. Le riz, l'excès de riz de Toronto qui est arrivé et qui a glissé dans l'église. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur voudrait que nous travaillions dans ce domaine-là, mais en précédent, nous commencerons par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Et nous allons commencer là ce soir. Le frère Gessang Serge, qu'est-ce que ça te dit, cette petite clip-là, que nos frères de la Côte d'Ivoire, je crois qu'ils sont de la Côte d'Ivoire ceux-là, n'est-ce pas? Comme le frère Serge n'est pas... Effectivement, oui, vas-y, frère. Le constat. Voilà, c'est le constat dans les assemblées aujourd'hui, surtout en Côte d'Ivoire. En fait, tout ce qu'il dit dans le chant, effectivement, c'est la réalité que nous vivons ici, dans les différentes assemblées, surtout dans les dénominations. On n'aime pas les choses qu'on appelle la parole vivante, la vérité. Voilà. On préfère que les gens aiment plus les prophéties qui leur donnent, qui les apportent, qui suscitent le bonheur dans leurs activités, dans leur famille. Voilà, c'est ça on préfère entendre. Mais quand il s'agit même de la vérité, même de l'évangile que nous devons prêcher, bon, catégoriquement, il y a beaucoup de fidèles qui sont contre même. Oui. Ils sont pratiquement contre. Il y a d'autres même qui abandonnent même l'assemblée quand c'est comme ça. Bon, dans le clip que nous venons de voir, ce garçon-là dit que les fidèles aiment la gloire de Jésus, mais lorsqu'on leur demande de suivre le propre du Seigneur Jésus, ils commencent à se fâcher. Donc, ils ne peuvent pas gêner, ils n'aiment pas le gêner, mais ils sont là pour finir. Ils sont prêts à féliciter le pasteur, à aimer la gloire du pasteur, à supporter le pasteur, mais sans pour autant suivre celui qui est censé être prêché Jésus. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cela? Effectivement. Comment? Qu'est-ce qui peut expliquer cet état de choses? Bon, en fait, c'est ce qu'on appelle Ça veut dire la conversion en fait. Tout part de la conversion. Comment ces personnes sont déjà arrivées dans ces assemblées-là? Voilà. Le frère Paul Espérance, oui, tu lèves la main là-bas comme un élève qui était au banc des accusés. Et puis, allons-y. Mon frère, je dirais que actuellement c'est la période. Hein. Bientôt, c'est la Pâque mondaine. C'est, je pense bien que c'est le 30e, hein? Oui. Non, le 1er avril. Oui. Et je vous dis, aujourd'hui, même les catholiques, oui, qui avant étaient dans leur coin, se sont mis aujourd'hui à faire la publicité pour évangéliser et pour prêcher ces gens d'évangile. Oui. Aujourd'hui, quand vous venez dans la ville, moi je roule, je vais à Bassam, je vais un peu partout là. Mais aujourd'hui, dans presque toutes les rues, les catholiques aussi se sont mis dans la danse. Donc ils ont décidé aussi d'en découdre, oui, avec les fidèles pentecôtistes qui sont, oui, pour récupérer les fidèles, quoi. C'est ça, c'est ça. Moi je pense que c'est dû au fait qu'ils n'ont pas encore reçu l'évangile de vérité. Moi, tout à l'heure, quand j'ai écouté le chant, j'étais serein. Parce que dans mon fort intérieur, j'ai été nettoyé. Donc, ça me... C'est-à-dire, je me sens beaucoup plus posé, plus calme lorsque j'écoute cela. Avant, ça peut-être me pousserait à dire, mais qu'est-ce qui se passe depuis l'âge? Je prie, mais je n'avance pas. Est-ce que je prie mal? Mais je pense que c'est parce que j'ai été nettoyé par l'eau propre. Amen. Par la bonne parole. Par la bonne parole. Donc, amen, ce qui fait que quand j'écoute ça, c'est vraiment avec beaucoup d'inquiétude, quoi. C'est parce qu'ils n'ont pas encore reçu l'étude de vérité. Souvenez-vous, à quelques minutes que ce soit, que vous avez une inspiration, que vous voulez parler pour partager par rapport à ce sujet, levez juste la main comme ça, je vous vois, et puis vous passez la parole, vous parlez. Le frère Jacques, comment ça se passe à Lomé au Togo? Est-ce que ce qui est décrit dans ces clips-là par nos frères les Ivoiriens, c'est la même, c'est le même scénario qui se passe sur le paysage religieux ou du côté de Lomé au Togo, particulièrement? Il a des problèmes avec son micro, le frère Jacques a des problèmes avec son micro. Du côté de Boaké, le temps que ton micro se restaure là, du côté de Boaké, là c'est Audrey. C'est comment? Même là-bas, tu as fui Abidjan. Est-ce qu'à Boaké, il y a cet évangile de prospérité à outrance, miracle, m'as-tu vu, ainsi de suite? Oui, frère. Bon, il faut dire qu'à Boaké, ici, les temples ne sont pas aussi nombreux comme à Abidjan, comme on le voit. Bon, les églises que j'ai fréquentées ici, bon, ici, je vais à l'église de mes tuteurs souvent, très souvent, qui sont baptistes. Bon, là, il n'y a pas trop de miracles. À Boaké, ici, il n'y a pas trop de miracles qu'on voit comme à Abidjan. C'est seulement quand il y a les caravanes d'évangélisation que les gens quittent Abidjan pour venir organiser les séances de prière ici, que peut-être on peut remarquer cela. Sinon, il n'y a pas de ça ici. Comme on voit au trans à Abidjan, il n'y a pas de ça à Boaké ici. Qu'est-ce qui peut expliquer cette forte tonalité et forte coloration sulfureuse de la religion et de la soif de miracles au milieu d'Abidjan, en principe, en plein Abidjan? Pourquoi? C'est à cause de la densité de la population. Bon, frère. Oui, frère. Bon, je crois qu'aujourd'hui, comme la même le disait, c'est on aime vraiment la gloire, mais on n'aime pas la croix de Jésus. Donc, vu qu'aujourd'hui, tout le monde traverse les difficultés, et puis la vie devient tellement chère et difficile, donc quiconque va se mettre à l'écart de ces gens de dire là, quelqu'un te dit, ah, faut venir vraiment, tu viens à Jésus pour que ton problème se puisse se... Et de nos jours, c'est comme ça. Lorsque les gens sortent même pour annoncer l'évangile, l'évangile, c'est que viens à Jésus, ton problème sera résolu. Donc, les gens ont tendance à croire que tu vas à Jésus, tu puisses avoir un miracle. Et aujourd'hui, ça a pris de l'ampleur, ça a pris de l'ampleur. Donc, d'autant les miracles ici, par là, ils sont obligés d'y aller afin de résoudre leurs problèmes. Et aussi, voilà, cela est le manque de foi. Et aussi, ils n'ont pas encore reçu le vrai évangile, comme le frère disait. Ils n'ont pas encore reçu la victoire. Ils vont te refouler carrément pour dire que toi-même, tu es en retard, que ça c'est du passé, c'est caduque ce que tu annonces là. Mm. Jésus est mort pour avec ta stérilité, il est mort pour tes problèmes, donc il est ressuscité là, c'est que tu dois vraiment vivre dans l'abondance. Et c'est ce qui court aujourd'hui à Abidjan. Mm. Justement, c'est Jésus qui est tantôt présenté comme le maire qui donne le mariage, celui qui distribue les passeports. Et de l'autre Jésus encore qui résout le problème d'ordre psychologique et résout le problème de foyer comme les tensions mammaires. Est-ce que ce n'est pas un problème aujourd'hui, Jacques Bissan? C'est-à-dire que c'est cette façon de prêcher Jésus-là, de le présenter comme la solution à tous les problèmes de comment on dit en anglais, mankind, tous les problèmes de l'humanité. Il a toujours des problèmes, mon frère. Je crois que, je ne sais pas pourquoi le frère Jacques, ta vie, tu as des problèmes avec ton... You have the problem. I have a problem. Le frère Jacques, tu m'entends? La soeur, assieds-toi, tu es là? Je suis là, frère. Ok, on va voir une deuxième vidéo, on revient je derrière. Suis là. On revient derrière et puis je te pose la question à toi. Bon, la première chose, c'est de savoir que c'est Dieu qui donne le visa. Ce n'est pas parce que tes papiers sont au complet que tu as le visa. Il y a une odeur, il y a un parfum qui se dégage. Ça s'appelle l'odeur du voyage. C'est important l'argent. En fait, ceux qui ne croient pas à l'argent ou à la bénédiction financière, essayez la pauvreté, vous allez me dire. Je voudrais vous dire que Marine Le Pen sera effectivement risquée d'être présidente de la France. Je suis prophète plus qu'un président. Si le couple prophétique, c'est encore plus fort. Le général de Dieu Canada Montréal, ça va déménager. Le diable est le même partout. Hein. Père, je bénis cette machine. Toute personne qui fait quelque chose d'intéressant, je prie que le ciel se souvienne de la personne cette nuit. Amen. Ce n'est plus la même machine. Voilà. Merci à nos amis d'Hémisphère Media Production Africa. La soeur Assetou. On commence oui, par toi. Commentaire à l'issue de cette vidéo. Qu'est-ce que tu en dis? Ah, frère Junior, ce monsieur même, il a déjà passé en Côte d'Ivoire. Mm. Moi et ma soeur Marie, on a passé chez lui. Oui. Syrie. C'est toujours les mêmes commentaires. Mm. Tu vas avoir ceci, tu vas avoir cela, donne cela, tu serais comme ça demain. Mm. On peut que nous soutirer de l'argent tous les jours. Mm. Tellement qu'on était dans l'ignorance. Dès qu'on dit, net, tu veux te marier, tu veux avoir ton passeport, donne telle somme, en même temps fou, pour aller faire les offrandes. Mm. Ils sont contents. Mm. Attends que eux-mêmes les soient arrivés là, ils ont déjà embouté tout le monde dans la salle. Mm. Si tu n'as pas envie de te lever, ben, tu vas te lever quand même. Toi qui as été l'un des pionniers et l'un des contributeurs de ce domaine-là, explique-nous comment ça a fait pour que tu puisses donner ton argent. Tu prends ton argent, tu peux donner. Qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui vous prend au juste? Comment vous faites pour que vous donnez l'argent? Ben, on ne sait pas comment expliquer cela. Moi-même, la plupart des temps, je ne partais pas avec l'argent. Mais ce jour, comme j'étais ma soeur, elle aime bien ça. Aïe, quand ils ont dit ça, faut te lever, tu vas aller donner. Là, tu vas voir. J'ai dit, ah, tous les jours, je passe, on me dit, j'ai quoi? Je vais avoir ça, je vais avoir ceci. Mm. Mais on ne voit jamais. Toujours, on donne de l'argent. Mm. Mais tu es là comme ça, tu n'as pas envie de te lever. Mais si le moment où il a mis sa main sur toi, c'est fini. Hein. Mm. Tu vas donner ce que tu as sur toi. Donc, quand il met la main là, il communique quelque chose qui te pousse à donner l'argent. Ah, c'est ça, hein. C'est ça, même si ils t'ont touché là, c'est fini pour toi. Mmh. Ton argent là, même là, si tu avais caché là, tu vas faire sortir. Cette fois-ci là, ça ne sera pas fini pour nous ce soir. Le temps pour nous de dire un bonsoir à As-tu demandé qui vient de nous rejoindre. As-tu demandé bonsoir et bienvenue sur Côte d'Ivoire dans la sainteté. Bonsoir, frère Junior. Bonsoir à toute la famille. Que le Seigneur vous bénisse. Mmh. On voit là la soeur Christine qui lève la main toute joyeuse. Elle est prête à subir les tests et le diagnostic de lancement de ses soins. On a passé, frère Junior, oui. Ça seulement en Côte d'Ivoire ici, on a été toujours dans ça. Partout où on passait, même dans les églises catholiques, on nous a amené, on dit, il y a des prières qui sont là, on va, c'est toujours les mêmes trucs qui se passent dans les évangéliques qui se passent là-bas. Oui. Il faut donner, tu serais comme ça, il faut donner, tu serais comme ça. Oui. Si tu... Et puis, d'abord même, pour t'énerver encore, te dire que si tu donnes, si tu veux donner même, il faut donner en étant fâché. Là, le Seigneur va te bénir. Toi, tu as ton match assis, tu es fâché. On dit, viens donner. Là, tu serais béni plus. Il faut donner ce qui te fait mal, quoi. Voilà, ce qui fait mal, là. Oui. Ce qui te fait mal, donne. Là, tu serais béni d'abondant. Les gens courent comme ça, pas, pas, pas, pas, pour aller donner. Mais jamais, on revient toujours, même chose. Il n'y a pas quelque chose qui change en nous. Mais là, on est toujours dedans. Là, c'est Christine, tu sais pas, qu'est-ce que tu as arrêté avec ce qu'on a vu là maintenant, le deuxième qui disait que il a soufflé sur le truc, vous appelez quoi, l'appareil pour de l'argent, là. Il a dit, c'est un peu le même appareil, que celui qui va donner quelque chose d'intéressant, que le ciel se souvienne de lui ce soir. Donc, si tu ne donnes pas quelque chose d'intéressant, le ciel ne se souvient pas de toi. La sœur Christine, y a-t-il quelque chose? Ou bien tu te réserves encore le droit de protéger ou... Voilà. Le frère Serge, tu as quelque chose à ajouter? Je ne sais pas si le frère Jacques, du côté de Lomé, a son micro déjà ouvert. Frère Jacques, tu nous entends? D'accord. Dans le frigo, quoi que le frère Jacques a des problèmes, je ne sais pas s'il nous entend. Ce serait bien que son micro vous l'aidez en pleine journée pour qu'il essaie de voir comment son micro est. Le frère Serge, tu voulais parler? Oui, en fait, je voulais dire simplement que souvent, en fait, ce que nous avons vu comme la vidéo dans la, ou la chanson, c'est complémentaire, en fait. Oui. C'est ce que eux ont vu. Voilà, c'est ce que les jeunes là ont vu de ces personnes là qu'ils ont traduit ça. C'est dans la chanson. Voilà. Parce que, c'est ce qu'on appelle dans beaucoup de lieux de prière, c'est ce que nous remarquons aujourd'hui, que les gens disent qu'il y a certaines choses qu'on appelle, choses qu'il faut avoir quand tu commences à prier le Seigneur. Et que, comme la sœur Odé l'a dit, comme le Seigneur a tout pris à la croix, c'est normal que pour tout un chacun qui commence à invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ, il a droit à tout ce qui est là. Le monde lui appartient parce qu'il est depuis que nous avons dominé. Donc tout ça là doit nous revenir, doit revenir aux chrétiens. Donc quand ces personnes-là ont l'occasion de le dire pour fasciner l'esprit des gens, ils le font. Parce qu'ils connaissent parfois la soif même de la personne qui se trouve en face. Voilà. Mais est-ce à dire que les chrétiens du premier siècle n'avaient pas compris la révélation des Écritures, de ce que Dieu avait fait au travers de Christ, de la souffrance que Christ avait portée, du bien matériel qui leur appartenait en Christ comme étant héritage? Pourquoi c'est Morbicus, les chrétiens de cette époque, qui clament haut et fort cet héritage-là de la terre? Pourquoi? En fait, c'est ce qu'on appelle, les premiers chrétiens du premier siècle ont compris. Mais nous devons comprendre que nous sommes pratiquement, nous actuellement, la génération, nous sommes là, nous sommes pratiquement dans les derniers temps. Et dans les derniers temps, la parole de Dieu nous parle des prophéties qui vont arriver concernant les faux hommes de Dieu, les faux prophètes qui vont venir. Et en observant ces choses-là, nous pensons que nous sommes dans cet accomplissement-là. Voilà, parce que, effectivement, aujourd'hui, c'est ce que nous remarquons. Nous remarquons que les gens ne prêchent plus l'évangile. Voilà, ne prêche plus l'évangile. Oui. Il prêche maintenant les choses concernant la terre. Oui. Concernant le ventre. Voilà. Voilà. Le frère Achille, as-tu quelque chose? Merci frère, merci pour ton intervention magistrale. Le frère Achille Nda. Le frère demandé, pour te mettre dans le bain, as-tu demandé, nous sommes en train de parler aujourd'hui du diagnostic qu'on a au milieu des chrétiens aujourd'hui. La séduction par des miracles. Avant que tu ne viennes, nous avons joué un premier clip. Et si tu le permets, nous allons encore jouer ce clip-là pour que toi-même, tu en sois imprégné. Tu le permets? Le frère, as-tu demandé, il est là? Pardon, frère, excuse-moi, frère, la connexion était interrompue. Oui. Pardon, j'ai pas saisi. Donc, je t'en ai dit, donc, avant que tu n'entres en scène, nous étions en train de parler. Après, avoir suivi le bout d'un extrait vidéo venant de la Côte d'Ivoire, justement. Qu'on peut intituler miracle à tout prix dans les assemblées aujourd'hui. C'est ça dont nous voulons commenter ce soir pour voir ce qui ne va pas en milieu chrétien. C'est-à-dire le diagnostic qui veut que les gens aujourd'hui suivent plutôt le miracle au lieu de le Seigneur Jésus-Christ et par conséquent se trouvent dans la gueule des roues ravisseurs. Donc, avant de revenir au frère Paul qui a quelque chose certainement à dire, permettons de mettre le frère Arthur Diomandé dans le bain. Vous y êtes? Voilà. extrait. Y'a miracle ici, oh mon ami, viens, oh viens. Y'a miracle chez moi, ma chérie, viens, oh viens. Y'a miracle ici, viens, viens. C'est miracle, tu veux, viens chez moi, viens. Tu aimes les riz, papa, papa, viens chez moi, viens. Tu adores les riz, popopo, viens chez moi, viens, viens. Ah, les chrétiens d'aujourd'hui sont trop fans des miracles. Ils adorent l'évangile du spectacle. On aime Jésus, mais on n'aime pas sa croix. Aucun sacrifice, mais on adore sa gloire. Quand on entend les paroles du genre, tu vas travailler, amen. Tu vas enfanter, amen. Tu vas voyager, amen. Tu vas te marier, amen. Tu vas prospérer, oh. Dieu est bon. Pour ça, on répond vivement, amen. Parce que si le pasteur t'a pas flatté, c'est gâté. Mon frère et ma soeur, tu verras pas la quête. Ah, y a miracle ici, c'est miracle, tu veux, viens chez moi. Tu viens les riz, papa, papa, viens chez moi. Tu adores les riz, popo, popo, viens chez moi. Mais quand l'homme de Dieu te dit, il faut changer, il faut pardonner, il faut beaucoup prier, il faut te réconcilier, il faut même jeûner. Oh. Pour ça, on répond froidement. C'est les gens les fidèles qui aiment flatter les bergers. Oh. Tout ça pour les envoyer en brousse. Non, ils ont fini ça. Pasteur, tu es trop puissant. Quand tu ouvres la bouche, la chair les fous. Sincèrement, Jésus n'est pas plus fort que toi. À toi, il y a miracle ici. Merci Dieu. Voilà, voilà, voilà. N'est-ce pas? As-tu maintenant tu es dans le bain, n'est-ce pas? Oui, oui. C'est de ça dont il est question. En fait, là, c'est vraiment tellement réel ce qu'ils ont chanté là. Vraiment, actuellement là, c'est ce que en Côte d'Ivoire ici on constate. Hein. Tout le monde court après les miracles. Quand dit ce serviteur là, il est loin, les trois fois loin. Comme ça, tout le monde court bon, pour aller assister bon, à la venue de cet homme de Dieu qui va, selon eux, changer leur vie. Voyez, c'est l'homme de Dieu, ils vont regarder, ce n'est pas la parole de Dieu, ils vont écouter. C'est l'homme de Dieu parce qu'à son accoutrement, il va dire à tel nombre de véhicules, la telle voiture, tel nombre de voitures dans son parking, tout ça. Donc quand on voit ça, ça incite les gens à vouloir avoir aussi le matériel. Bon, nous, on l'a, on a vécu ça dans notre bon, dans la dénomination à laquelle j'appartenais, où là-bas c'était vraiment la course même au bien-être matériel. Il y avait, certes, on priait, mais les orientations de la prière, là, oui. C'était sur pour c'était axé dans le matériel. Avoir le c'est ça. Voilà. Qu'est-ce qui peut expliquer, le frère, as-tu demandé, qu'est-ce qui peut expliquer subit sursaut d'orgueil dans le camp du matériel, cet engouement aux chrétiens, des chrétiens à rechercher le matériel, des pasteurs à prôner cela? Selon toi, avec ton expérience et ce que tu as vécu, qu'est-ce qui peut expliquer cela? Bon, moi je pense que c'est l'ignorance de la parole de Dieu, et puis encore la grâce, l'ignorance d'abord, parce que sincèrement, pour avoir la révélation de ce que le Seigneur te dit, faut te focaliser sur la parole. Vraiment, c'est une grâce d'abord, de comprendre que ce n'est pas le matériel qui prime. Oui. C'est une grâce. Parce que si tu te focalises, si tu as prié, par exemple, si Seigneur donne-moi, Seigneur, j'ai fait ça, j'ai semé dans la vie du serviteur, j'ai semé pour le temple. Moi, ça me rappelle même des choses que j'ai fait. On aura le temps d'en parler, Dieu voulant, dans une autre série, de ces choses consacrées à vos témoignages particulièrement que vous avez vécu. Mais permettez-moi de dire quelque chose, c'est que dans cet acte 1, nous allons prendre des prédications et vous allez écouter vous-même, vous allez diagnostiquer pour voir ce qu'il en est. Nous allons commencer par la Côte d'Ivoire, parce que la source africaine des diagnostics des faux prophètes et autres là-bas se trouve en Côte d'Ivoire. Préparez donc vos livres, vos documents et les stylos pour prêts à écrire. Mais avant qu'on ne prenne les écritures, le frère Paul voulait parler avant que nous partions dans cette ponctuation pour pouvoir mettre notre frère demander dans le beurre. Le frère Paul, tu voulais dire quelque chose? Frère Paul Espérance, tu voulais dire quelque chose tout à l'heure avant que nous prenions là-haut. Oui. Oui, en fait, je voulais ajouter ça que c'est dû à la méconnaissance de la parole de Dieu. Oui. Regardez, par exemple, quand on dit que tu serais à la tête et non à la queue, oui. On ne dit pas ce que le Seigneur dit avant. Oui. Mais on sort un coup de phrase et on essaie de l'expliquer pour qu'elle puisse avoir un impact sur la vie des gens. Oui. Vous serez à la tête et non à la queue. Mais on ne dit pas ce qu'il y a avant. Oui. Quand on parle le cas par exemple des dîmes, on dit si tu fais ta dîme, tu seras béni. Mais on le dit. Ce qu'il y a avant, hein, on ne précise pas le contexte. Oui. Donc on sort une phrase de la parole de Dieu et on essaie hein, de pouvoir la tourner, de pouvoir la tordre, hein, pouvoir avoir un impact sur les gens. Moi, je pense que c'est parce que les gens n'ont pas possession de la parole de Dieu. Nous avons la chance aujourd'hui, dans notre dispensation, d'avoir vraiment quelqu'un que le Seigneur a envoyé pour nous faire comprendre tout cela, pour nous faire corriger toutes ces choses-là. Aujourd'hui, on sait que la dîme n'est plus d'actualité. On a traversé des siècles, personne ne l'a fait. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit vient nous révéler que nous devons revenir à la parole initiale. Parce que la parole a été dénaturée au fil des siècles. Beaucoup n'ont pas eu cette chance-là. Mais aujourd'hui, nous avons cette chance-là de pouvoir avoir la parole pure. Moi, je pense que c'est parce que les gens n'ont pas encore possession de cette parole-là. Voilà. Et ils n'ont pas encore la vérité de cette parole. Les gens qui les écoutent, prenons premièrement ceux qui sont assis dans la salle, alors qu'on parle, on prêche déjà des prédications pour les miracles-là. Qu'est-ce qu'ils reçoivent? Comment ils ne réagissent pas? Pourtant, chacun a sa Bible devant de soi. Pourquoi? Comme tu as dit tout à l'heure, qui prend un bout de phrase, et pourtant chacun a cette Bible-là. Et comme tout à l'heure dans la prédication que nous allons voir effectivement, nous allons faire cet examen. Quand on va entendre ce prédicateur parler, nous allons mettre pause et puis vous allez voir de quoi il est question par rapport à la Bible. D'accord? On va faire cet examen-là. Oui, le frère Serge, lève la main là, oui. En fait, je voulais dire simplement que aujourd'hui, nous remarquons que depuis des années, même dans la dénomination où j'étais, on ne lit plus. Frère Serge, permets-moi une seconde. Frère Serge, donne-moi une seconde. Le frère Jacques Bissant, son micro était ouvert tout à l'heure. Là. Quand son micro est ouvert, on profite d'abord, on le prend parce qu'avant que son micro ne soit encore fermé. Frère Jacques Bissant, ton micro est ouvert, si tu m'entends, parle-nous maintenant du côté de Lomé au Togo. Frère Jacques, ton micro est ouvert. Je crois que le micro est ouvert, le frère Jacques est ouvert, je ne sais pas pourquoi. Frère Jacques, du côté de Lomé, ton micro est ouvert. Frère Achille, également, ton micro est ouvert. Oui, allons-y, revenons avec toi, le frère Serge. Dans la dimension où vous étiez, personne, vous ne lisiez pas la Bible. Mais vous faites quoi avec programme après programme? Vous êtes dans un engrenage de programme voilà, après programme. En fait, ce qu'on appelle la lecture, même chez les catholiques, même chez les catholiques, pas seulement dans la dénomination où j'étais, il y a plusieurs dénominations, membres des dénominations qui ne lisent plus aujourd'hui la Bible. Ils préfèrent écouter parce que très souvent, ils ont l'esprit focalisé vers le pasteur ou vers le prophète. Voilà, ou bien le prêtre. Donc, ce qu'il dit, pour eux, c'est des dieux. Et ils ne cherchent pas à comprendre. Même s'ils prennent des notes, les notes ne sont pas du tout étudiées. Voilà. Ils acceptent, ils disent que c'est vrai. Donc, il faut le faire. Voilà. Ils ne vérifient pas par eux-mêmes, quoi. Ils ne vérifient pas. Comment tu as fait, comment tu t'en es fait pour t'en sortir dans ton cas particulier, ayant même vécu dans ces milieux, comment tu as fait pour t'en sortir? Qu'est-ce que tu as constaté là-dedans, de la manipulation aussi? D'accord. Ce que je voulais dire simplement que vraiment c'est une grâce de la part du Seigneur parce qu'il y a certaines choses, même quand je ne maîtrisais pas même totalement toutes les écritures, mais il y a certaines choses qui sont dites que moi je dis. Moi, si je n'ai aucune connaissance dedans, là, je savais que ça, là, ce n'est pas de Dieu. Donc, et c'était de à l'intérieur de moi-même. Donc quelque chose de témoigner à l'intérieur que ce n'est pas de Dieu. Voilà, que ce n'était pas de Dieu. Et c'est comme ça, dans plusieurs dénominations où je suis passé, c'est toujours comme ça. Et à tel point qu'on m'appelle, même les gens m'appellent, les gens viennent me prendre pour dire, oui, tu seras évangéliste. Tu vas faire des grandes choses dans le monde. Et quand ils disent ça, moi je les regarde et je dis, mais vous pensez que c'est vous qui allez me tourner évangéliste? Oui. Voilà. Voilà. Et à plusieurs reprises, les gens disent ça. Ça a commencé de la carte du troisième. Où un pasteur m'a pris dans ses bras. Et voilà, il dit merci Seigneur. Oui. Et voilà l'une des choses qu'on a, on attribue des prophéties, enfin des ministères aux gens. Une jeune fille chante bien, on dit que non, tu es chante de l'Éternel. L'autre encore, tu es prophétesse de l'Éternel, même si c'est le serpent qui parle dans sa langue. On attribue des postes dans les assemblées. La sœur Jacques, Madame Jacques, on entend ta voix en fond sonore. Si vous nous entendez du côté de Lomé, prenez la parole maintenant. Frère Jacques Bissan, bonsoir. Il faut parler. Oui, nous vous entendons maintenant. Voilà. Vous nous entendez? Parle maintenant. On t'entend? Saint-Suisse. Voilà. Allumé. Voilà. Je pense qu'au Togo, ici, c'est exactement ce qui se passe. Mais ce sont des gens, bon, ils sont très éloquents. Ils sont vraiment éloquents. Et quand ils veulent faire, par exemple, quand on veut faire un appel de fonds ou bien on veut faire quelque chose de particulier dans la dénomination, on ne cherche pas n'importe qui. On appelle quelqu'un qui maîtrise, qui a l'art de bien s'exprimer et de convaincre. Et quand il commence par parler, tu ne sais pas quand est-ce que, par exemple, ta mère est rentrée dans la poche pour redonner de l'argent. C'est vraiment très difficile. Est-ce que c'est vrai pour les autres? Vous, Abidjan, c'est la même chose? Allô? Oui? Oui, il pose la question au frère d'Abidjan pour voir si la même réaction là, si c'est comme ça qu'on fait chez vous, la manipulation aussi, comme le frère Jean en train de distribuer. Ok, donc les frères disent, il me lève seulement la main comme ça, pourtant c'est, la main n'est pas enregistrée, seulement la voix. Ok, et frère Jacques? C'est exact, c'est ici pareil. Ok. Bon, on m'a dit qu'il y a deux spécialisations, enfin deux pays particulièrement qui sont spécialisés en levée de fonds, le Nigeria et le Congo RDC. Que ce sont les gens particulièrement qu'on appelle pour une levée de fonds. Est-ce vrai chez vous aussi? Comme ça? Oui, ici c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Raconte-moi, frère. Je vais donner mon exemple. Oui. Et moi, j'ai eu, quand je fréquentais la dénomination, j'ai eu à donner, lors d'une levée de fonds, j'ai eu à donner une somme là, mais jusqu'à présent, je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, mais ça m'énerve jusqu'à présent. Mais ils sont très forts, ils sont très forts. Ils sont vraiment très forts. Quand ils parlent, j'ai l'impression que lorsque tu remets l'argent, l'effet est immédiat. Et surtout que lorsque nous sommes actuellement, lorsque tu es dans les problèmes, tu es au chômage, tu cherches une solution immédiate et l'homme approprié arrive et commence par dire exactement ce dont tu as besoin. Même si tu n'en as pas, tu cherches vraiment à fabriquer quelque chose pour que Dieu sache que tu as fait quelque chose. C'est exactement ce que nous vivons dans les dénominations. Vraiment, vraiment, c'est très compliqué. Voilà. Donc, frère Jacques, si je comprends très bien, ce sont des gens, d'après ce qui ressort de ton analyse, c'est que les gens, ce sont les fins psychologues qui exploitent les besoins. Ils savent le besoin du peuple qui est là et ils vendent en retour le pseudo-réponse, les pseudo-réponses à leur prière parce qu'ils savent que dans la salle, c'est toujours les gens qui sont dans ces situations-là. Tout à fait, c'est exactement ça. Mais je me dis, bien, est-ce qu'ils ne se renseignent pas sur nous d'abord avant de commencer par prêcher le message ou bien, je me demande jusqu'à présent comment ils arrivent à savoir que nous qui sommes dans la salle, on a besoin de tel problème, on a tel problème et nous avons besoin de telle et telle solution. Et c'est un peu bizarre quoi, c'est un peu bizarre. Bon, c'est juste quand tu poses l'acte, c'est lorsque tu arrives à poser l'acte, à donner ce qu'ils veulent, que après tu réalises que vraiment, mais pourquoi tu as fait ça? Parce que tu sais que après quelques jours, quelques mois, ce qu'ils t'ont promis, ce n'est pas du tout réalisé. Ce n'est pas du tout réalisé, mais tu te demandes où bien. Mais le vrai et problème, tu vis toujours sur l'espoir. Le vrai problème, c'est que ces personnes-là ne font pas leur acte une seule fois. Ils vont de pays en pays et très souvent, viennent dans la même assemblée plusieurs fois et les gens ne font qu'y aller. Qu'est-ce qui, pourquoi cette effervescence et cette effervescence là autour d'eux? Non, je pense que les gens d'abord ne connaissent pas la parole de Dieu. Mmh. Et comme ce que le frère avait dit, ça dépend de comment les gens sont rentrés à l'église. Mmh. Parce que tu es dans le monde, tu cherches des solutions, quelqu'un vient, il te parle de Jésus-Christ. Mmh. Au lieu de parler, de te parler de Jésus-Christ de la bonne manière, on te parle des besoins, des solutions, comme quoi le Seigneur Jésus-Christ va te donner les solutions à tous tes problèmes, de l'argent, de l'emploi, il suffit de l'accepter et de donner ta vie à Jésus-Christ actuellement. Mmh. Et là, tu vas voir, tu vas expérimenter toutes ces bénédictions. Mmh. Donc, par rapport à ça, lorsqu'une personne comme ça rentre dans l'église, dans sa tête, avec cette mentalité, c'est ce qu'il espère. Mmh. C'est ce qu'il espère. Et finalement, lorsque les pasteurs, les apôtres, les prêtres, ils viennent, ils prêchent ce genre de message, mais il est touché et il finit par être exploité. Mmh. Et puis finalement, lorsqu'il constate qu'il n'a pas vraiment de solution, il finit par murmurer, sortir et faire bon. Il se retrouve pas et puis c'est fini. Il change de dénomination. Et c'est ça qui fait que nous changeons. On change de dénomination, on quitte de dénomination en dénomination et ça ne va pas toujours. Mmh. Mais l'effervescence qui attire la foule là-bas, on a l'impression que si, quand les gens qui vont, comme vous êtes sortis des dénominations, vous sortez en petit nombre, au fur et à mesure les autres nombres viennent, on a comme l'impression que le nombre ne change pas puisque la quantité y est. Une autre vague vient et le même scénario recommence. Qu'est-ce qui peut expliquer justement cela que les gens vont, des autres personnes, et très souvent quand vous sortez de là, on commence à prêcher contre vous en disant que vous êtes des rebelles, d'autres étaient des sorciers, le Seigneur les a exposés, les a fait sortir, et ainsi de suite, pour permettre les gens, aux gens qui sont là-bas de ne pas vous fréquenter, de peur que vous ne leur dites la vérité. Comment vous procédez? Oui, c'est vrai. Parce que, vous savez, il y a le... Il y a, par exemple, un collègue, il y a des collègues avec qui on fréquentait la même dénomination, mais lorsqu'ils ont constaté que je me suis retiré totalement, mais ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qu'il se passe? Mais d'abord, là, on m'a demandé, est-ce que je paie régulièrement mes dîmes? Je leur ai dit que moi, je ne paie pas mes dîmes. C'est vrai que j'étais dans les dénominations, je ne payais pas mes dîmes, parce que je ne suis pas du tout d'accord. Mais lorsque je leur ai fait savoir que je ne paie pas mes dîmes, mais il était un peu choqué. Il me demande, mais pourquoi je ne paie pas les dîmes? Est-ce que je suis en contact avec Jésus-Christ TV? Je lui ai fait savoir que bon, ce n'est pas parce que je regarde Jésus-Christ TV, parce que la personne en temps avait écouté Jésus-Christ TV et ça l'a vraiment choqué. Il a dit que plus jamais ça dans sa vie. Mm. Mais je lui ai fait savoir que ce n'est pas à cause de ça, mais c'est parce que la parole de Dieu dit qu'on ne peut pas, un chrétien ne peut pas payer sa dîme. Mm. Donc, il y a de pareilles choses. Lorsqu'on te voit, d'abord, tu es marginalisé. Mm. Tu es marginalisé. Et maintenant, les autres personnes, tu es critiqué devant les gens. Et puis, et au même moment, quand les païens te voient, qu'ils sont en train de te critiquer, ils sont attirés vers ces personnes parce qu'ils voient que ces personnes détiennent une connaissance qui te dépasse. Donc, ils connaissent Dieu plus que toi. Donc, au même moment, ils sont invités, ces païens sont attirés vers ces personnes. Et demain, tu apprends qu'ils sont rentrés dans la dénomination et ils continuent de rentrer dans les dénominations. Le nombre s'accroît malgré que les gens sortent, mais le nombre continue de s'accroître. Mmh. C'est à cause simplement de messages sur le plan de la prospérité, sur le plan... des guérisons, sur les promesses, etc., qui fait que vraiment les choses continuent de s'accroître dans les dénominations et contrairement les gens à l'extérieur des dénominations, les gens sont vraiment très maigres. Que le Seigneur te bénisse pour cette analyse. Merci vraiment au Seigneur qui nous a permis que ton micro soit ouvert pour que nous ayons cette analyse-là. Que Dieu te bénisse. Amen. Un autre qui nous a rejoint ce soir, c'est mon frère bien-aimé, le frère Yao Jules. Yao Jules, bonsoir et bienvenue. Je crois que la connexion dérange chez lui là. Frère, as-tu... Oui, bonsoir mon frère. Voilà. Salut tous les frères. Que le Seigneur te bénisse. Un autre qui nous a rejoint, c'est le frère Ozozuyo Siri. Excuse-moi si je prononce ton nom. Bonsoir et bienvenue. Frère Siri, bonsoir et bienvenue. lorsque vous êtes en train de causer, faites attention qu'il n'y ait pas de bruit à côté de vous, surtout si vous êtes sur les téléphones portables, ne bougez pas parce que quelques petites secousses et puis le micro fond, ça fait du bruit. Frère Thierry, il y a des bruits chez toi. Bonsoir, bienvenue. Amen. Donc, installe-toi confortablement pour suivre ces choses-ci parce que l'heure est grave. Prenez maintenant les stylos. Nous allons commencer par des versets bibliques. Nous allons commencer. Placer les bases avant d'avancer dans les vidéos. Que Dieu vous bénisse. Notez d'abord les passages et on va commencer dans n'importe quelle direction le Seigneur nous donnera. On peut y avancer. Si c'est bon, vous faites juste comme ça. Amen. Voilà. Notez Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 10 en commençant par là. Notez. Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 10. Je crois que certaines d'autres personnes, si vous êtes rappelé, vous pouvez taper dans le forum. Exode chapitre 7 à chapitre 10. Si vous y êtes, il va encore donner l'autre. Exode chapitre 7 à chapitre 10. Notez Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24. Les versets qu'il donne, ce ne sont que des versets de socle. Dans le développement, on pourra en voir certains d'autres. Notez. Matthieu chapitre 24. Lorsqu'on va y arriver, on va voir les versets correspondants. Le frère Achille, il y a des bruits chez toi. Le frère Achille, ferme le micro et le frère Jacques Bessant, on a prié maintenant son micro ouvert, maintenant c'est le bruit qui nous dérange. Alors, Matthieu chapitre, j'ai dit Exode chapitre 7 au chapitre 20, non, au chapitre 10, Matthieu chapitre 24, vous avez dit, le bruit ça vient de Lomé au Togo. Ne me dites pas que c'est déjà le déguerpissement, le chassement de pouvoir. Notez également 1 Thessaloniciens chapitre 2. 1 Thessaloniciens chapitre 2. Côte d'Ivoire, je suis content de vous ce soir parce que je me sens vraiment bien. Nous pourrons travailler dans les Écritures. Et merci pour cette discipline-là parce que vous avez compris vraiment ces choses-là. Avec ces connaissances, nous pouvons bien travailler. Voilà. Je crois qu'il est temps que chacun de nous rentre dans les Saintes Écritures pour garder son âme. La Bible déclare dans Proverbes chapitre 16, verset 19 que celui qui garde la parole veille sur son âme. Garde ce qui est prescrit, veille sur son âme. On avance là dans le... J'ai dit Exode chapitre 7 au chapitre 10. Et Matthieu chapitre 24. Romains chapitre 2, puis le chapitre 15. Romains chapitre 2, puis le chapitre 15. Notez Actes des Apôtres chapitre 20. Actes des Apôtres chapitre 20. On va y revenir. Actes des Apôtres, chapitre 8, puis chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 8, puis Actes des Apôtres, chapitre 13. On y va, frère. 2 Pierre, chapitre 2, verset 1 à 19. Timothée, 1 Timothée de Timothée, au chapitre 4. Je crois qu'à l'issue de ça, s'il vous plaît, veuillez écrire, que quelqu'un puisse écrire ça sur le forum, pour que les autres puissent lire, et ceux des autres qui viendront par la suite. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 3. 2 Timothée aussi maintenant. 2 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5. C'est plein là. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 11. 1 Timothée chapitre 6, verset 1 à 11. On va prendre quoi encore maintenant? 2 Corinthiens chapitre 11, verset 1, 2, puis les versets 13 et 14. verset 1, 2, puis le verset 13 à 14. Trois Jean. Trois Jean, verset 1 et 2. Verset 1 et 2. Ou mieux, vous mettez chapitre 1, verset 1 et 2. Parce que c'est un seul chapitre, de toute façon. Le livre de Jude, du prophète Jude. Jude, pas juge. Verset 1 à 14. Que notre Dieu vous bénisse, peuple de Côte d'Ivoire. Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2, verset 1 à 4. On peut continuer. Apocalypse, chapitre 2, verset 1 à 5. Je crois que c'est déjà beaucoup là. C'est vraiment plein là. Vraiment plein. C'est bon, vous avez noté? Je crois que là maintenant on peut prier. Il faut qu'on commence. Tendre Père, merci pour ce que tu fais pour nous. Merci pour ces sujets que tu nous as donné de travail ce soir. Merci pour ton peuple, Père de gloire en Côte d'Ivoire, qui a été attaché par ces grands esprits méchants qui sont descendus sur les cieux, orchestrés par ces sang versés et par ces sacrifices versés dans des forêts et dans des mers. Seigneur, merci parce que tu réveilles ton peuple dans ces temps-là. Merci, Père de gloire, parce que tous ces êtres qui ont enchaîné tes enfants, Père de gloire, tu envoies ta puissance, la puissance de ta parole pour les libérer. Et je prie, Père de gloire, que quiconque entendra cette voix, Père de gloire, puisse en être délivré au nom du Seigneur Jésus. Je prie au Dieu de gloire que ce soir, tu touches au Dieu de gloire nos cœurs, tu touches nos âmes, tu ouvres notre esprit à l'entendement de ta parole. Car tu as dit la révélation de tes paroles est claire. Je prie, Père de gloire, que tu nous donnes d'être éclairé par tes paroles ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Maintenant, je vais commencer. Après que j'aurai parlé, nous allons parler jusqu'à épuiser ce soir ce qui va en arriver. Premier principe, les miracles de Dieu ne contrediront jamais sa parole. Les miracles de Dieu ne contrediront jamais sa parole. Parce que c'est à l'issue de la confirmation de sa parole qu'il accomplit les miracles correspondants. Il a dit, si vous lisez le psaume 105, le verset 20, vous voyez, ce n'était pas mentionné là. Le psaume 105, le verset 20, qu'il envoie sa parole et sa parole guérit. Sa parole guérit. Donc la guérison se trouve derrière la parole. La parole vient avec la guérison. La parole vient avec la restauration. Je veux que vous gardiez tout ceci à l'esprit. Donc les miracles de Dieu sont des socles derrière la parole. Le frère Thierry dit là que sa connexion est mauvaise, qu'on l'excuse. Je crois qu'il va se rattraper là sur Bamba Iba. Alors maintenant, écoutez très attentivement. Je veux que vous saisissez bien ceci. Merci frère pour le passage biblique de cet enseignement ce soir. Mais sois focalisé ici, ne soyez pas déconcentré, je veux toute votre attention. Écoutez très attentivement une fois de plus. Les miracles de Dieu viennent après la parole. Je ne sais pas si vous maîtrisez, si vous saisissez ce que je dis. Viennent après la parole. Les miracles, la parole ne vient pas après les miracles. Le principe c'est les paroles, la parole qui porte le miracle. Parce que la parole est esprit. Et donc, ce n'est pas les miracles qui commandent la parole, mais c'est la parole qui commande les miracles. Autrement dit, c'est l'esprit qui produit les miracles. Or, l'esprit et la vérité sont un. Gardez-vous ceci à l'esprit, parce que ceci est très important. L'esprit et la vérité sont un. Ou mieux encore, je peux dire ceci, que l'esprit, c'est-à-dire la parole, et la vérité sont un. C'est-à-dire, doivent être unanimes pour produire les miracles correspondants. Autrement dit, la parole ne se contredira pas en produisant les faux miracles. Et vice versa, les miracles de Dieu ne se produiront pas dans le mensonge. Et tout ceci a de portée terrible, parce que l'on va arriver. Je recommence encore. Les miracles sont portés, les miracles de Dieu, les miracles des Saintes Écritures sont derrière la parole. Dieu doit parler. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Dieu doit parler. C'est la parole qui porte. C'est la parole qui porte les miracles. Ce n'est pas les miracles qui accompagnent la parole. C'est pas la parole qui accompagne les miracles. Vous remarquez que dans Marc chapitre 16, Jésus-Christ ne dit pas qu'on va faire les miracles pour que les gens croient. Vous remarquez, vous voyez, n'est-ce pas? Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Vous avez remarqué que les miracles accompagnent. Donc, ils doivent d'abord, il y a quelque chose en laquelle on croit. Et ça, c'est la parole de la prédication. Maintenant, la prédication, donc, est soutenue par le miracle, Dieu voulant. Parce que si vous lisez à l'église de Philadelphie dans le livre d'Apocalypse, là, vous allez remarquer très rapidement qu'à ce moment-là, ils n'ont pas de puissance, mais ils ont tenu le nom de Jésus. Voilà. Je ne sais pas si vous me saisissez. Peuple de Côte d'Ivoire, je suis en allé vraiment doucement, n'est-ce pas? Voici la base. Parce que des questions, merci frère, des questions doivent surgir. Comment quelqu'un peut-il mentir de la parole et produire des miracles après? Ça devrait se poser des questions. Comment quelqu'un peut mentir d'après la parole et produire le miracle après? On a des problèmes ici qu'il faut qu'on confronte. On doit être honnête pour appeler faux ce qui est faux et vrai ce qui est vrai. C'est donc pour cela qu'il faille qu'il définisse d'abord ceci. La parole porte des miracles. Et donc la parole, Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 17, « Père, sanctifie-les par ta parole est la vérité. » Et le Saint-Esprit nous dit, en stigmatisant ceci dans notre esprit avec le burin de fer, qu'aucun mensonge ne provient de la vérité. N'est-ce pas, frère? Donc, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, accomplit sa parole de vérité et produit les miracles correspondants. La question c'est, pourrait-il que les gens soient en train de dissiper le nom de Jésus, la façon de faire de la Bible, avec une autre personnalité qui produit ces miracles? La Bible répond par oui. C'est là où on se situe. Le vrai problème maintenant, c'est qu'ils portent un label. Le nom de Jésus est le nom qui produit des miracles. La Bible présente Jésus-Christ comme le seul nom qui a été donné parmi les hommes. Le nom par lequel tout genou fléchira. Aucun, fût-il même un sorcier, n'ira jamais vers un pasteur. Le pasteur dit, j'ai pris au nom de Satan, lui-même le sorcier. Le sorcier lui-même va ouvrir les yeux comme ça, mon cher ami, si c'est au nom de Satan, laisse-moi tranquille comme ça. Il dit, mais si, prie au nom de Satan. Donc, même Satan sait très bien qu'en envoyant ses serviteurs, il ne les envoie pas d'aller prêcher en son nom. Jamais. Il doit prêcher au nom de Jésus. Vous entendez, n'est-ce pas? C'est pour ça, dans ce 2 Corinthiens, au chapitre 11, que je vous ai donné, verset 1 à 3, puis le verset 13 et 14, l'apôtre Pierre, après les avoir montré clairement, les présenter, il dit que ces hommes-là, il les présente. Il dit que ces hommes-là sont des faux apôtres. Ici donc, j'aimerais bien m'arrêter pour expliquer et corriger une chose encore pour que ça soit une fois pour toutes réglé dans vos esprits. L'apôtre Paul dit dans le verset 13 de 2 Corinthiens chapitre 11, le frère Achille et le frère Thierry, veuillez fermer vos micros, je ne voudrais pas être troublé par ces moments-ci là maintenant. Permettez-moi que je corrige cette chose-ci. Donc, fermez vos micros, sinon je suis obligé de vous exclure et de vous couper du groupe là maintenant. N'est-ce que ce ne soit pas pour étudier? Thierry, si tu m'entends, le frère Thierry et le frère Achille, si vous m'entendez, veuillez fermer les micros. Le frère Thierry, si tu m'entends, veuillez fermer le micro. Écrivez-lui ça en off, s'il vous plaît. Cette chose ne doit pas être perturbée. Donc, dans 2 Corinthiens, chapitre 11. Et Et vous voyez, il est dans une zone où il y a des bruits. N'appelez pas dans une zone où il y a des bruits. Ces choses qu'on est en train de voir, c'est vital. Ça doit délivrer des gens de l'autre côté, les gens qui se trouvent enfermés dans ces brigades-là. Et je ne peux pas tolérer que ces choses se passent alors que leurs âmes sont en jeu. Il y a des enfants du Seigneur, nos frères et nos soeurs qui s'y trouvent captivés. Il faut qu'ils sortent. Donc, Thierry, si tu nous entends, veille fermer ton micro pour que ces bruits-là ne se répètent pas. Voilà. Écoutez-moi très attentivement. Dans 2 Corinthiens chapitre 11. Il a fermé son micro. Voilà, vous m'entendez maintenant, n'est-ce pas? Tout le monde m'entend. Voilà, que Dieu vous bénisse. Dans 2 Corinthiens chapitre 11, si vous ouvrez 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 13, ouvrez votre Bible, frère. 2 Corinthiens chapitre 11. Verset 13, puis le verset 14. Le frère, sais-tu hier? Corinthiens. Oui, vas-y, lis mon frère, chapitre 11, verset 13 et 14, lis-nous. Le frère Serge, ton micro est fermé. Ok, joli. Le verset 13, le 2 Corinthiens, chapitre 11. Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Stoppons là-bas, là-bas. Arrête d'abord. Je veux que vous voyez ce que la Bible est en train de dire. Après avoir présenté, depuis le chapitre 10, le but pour lequel la puissance du Saint-Esprit leur a été donnée en tant que prédicateur pour amener à l'obéissance de Christ toute pensée qui a été captivée, l'apôtre Paul défend son ministère en présentant l'épreuve de son apostolat qui a éclaté au milieu d'eux et il dit par des prodiges et des miracles, des divers miracles. Maintenant, ici, il présente qu'effectivement, ces gens ont pour but de séduire les chrétiens à partir du verset 1 et au verset 3. Et puis aussi au verset 13, il nous dit, en citant clairement que ces hommes-là, donc les hommes de qui il est en train de parler, il dit ces hommes-là sont des faux apôtres. J'étais donc en train de dire ceci, que je vais corriger une chose, une fois pour toutes. Vous êtes prêts à ce qu'il parle? Il n'est pas dit dans ces 2 Corinthiens 13, dans ces 2 Corinthiens 11, verset 13, il n'est pas dit, écoutez bien, et que ça soit une fois de plus clair et définitif. Il n'est pas dit ici que ces hommes-là sont des faux apôtres. Regardez bien, regardez encore le verset. Regardez le verset 13. Il n'est pas dit que ces hommes-là sont des faux apôtres de Christ. On ne peut pas voir cela. Vous avez remarqué? On n'a pas dit qu'ils sont les faux apôtres de Christ. Parce que Christ n'a pas de faux apôtres. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut que ça soit corrigé une fois pour toutes. Il n'y a pas de faux apôtres de Christ. Il n'y a pas de faux prophètes de Christ. Il n'y a pas de faux pasteurs de Dieu. Il n'y a pas de faux prophètes de Dieu. Il n'y a pas de faux... J'espère que vous comprenez ce que ça veut dire. Il est question ici des faux apôtres. Virgule. Des ouvriers trompeurs. On dit qu'ils sont déguisés en apôtres de Christ. Donc c'est vrai, on dit quand quelqu'un est déguisé, ça veut dire qu'il porte le masque. Il porte quelque chose qui lui fait ressembler à l'apôtre de Christ. Ça veut dire que dès l'original, il ne l'est pas. C'est ce qu'on a dit là-bas dans ce 2 Corinthiens, chapitre 11, verset 13. Je voudrais bien corriger ceci avant d'avancer. Parce que les apôtres de Christ ont un modèle d'appel, une façon, une image du Christ imprégnée en eux. C'est Christ qu'on voit en eux qui sont présentés. L'un des premières caractéristiques des serviteurs du Seigneur, c'est l'humilité, l'amour, la droiture, l'intégrité dans la parole. Ici, je vais encore une fois de plus insister parce que ça a des conséquences dramatiques par la suite. Ici, on dit, ces hommes-là, ce sont des êtres humains. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Ces hommes-là sont des faux apôtres, virgule. Des quoi? Des faux apôtres, c'est ce qui est noté. Je crois que le frère Thierry a fermé son micro, effectivement. Vous y êtes? Je recommence encore verset 13. Ces hommes-là, dit mon grand frère, ces hommes-là sont des faux apôtres. Je suis en train de dire, écoutez-moi très attentivement. Donc, on ne dit plus, on ne doit plus dire, parce que ça ne se dit pas, parce que c'est pas le langage biblique, que non, c'est un faux serviteur de Dieu. Il n'y en a pas un faux serviteur de Dieu. Un serviteur de Dieu ne sera jamais faux. Je me tue à le dire fatigué. Il n'y a pas un faux serviteur de Dieu. Si vous dites derrière, parce qu'on ne sait pas qui est Dieu. Si Dieu a son serviteur, il ne peut pas être faux. Vous allez dire donc que Dieu avait fait un mauvais choix, bien Dieu ne savait pas qu'en le choisissant, il serait faux. Ça, c'est faire dire de Dieu ce que Dieu n'est pas. Dieu ne choisit pas quelqu'un plus tard, réfléchir que non, j'avais mal choisi, que non. Dieu ne se trompe pas dans ses choix. Le jour qu'il était sur la terre, avant de choisir Judas, il savait que c'est lui qui le vendrait. Ce n'est pas qu'à la fin qu'il a dit que yeah, c'est Judas qui va me vendre. Non, non, non, non, il le savait dès le départ. Parce que c'est lui qui a prévu dans les Écritures que ça se passerait ainsi. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc, une fois de plus, il n'y a pas de faux prophètes de Dieu. Dans la Bible, vous lisez l'Ancien Testament, c'est pêle-mêle. Vous allez voir Michée d'un côté, les prophètes de Baal de l'autre côté. On les appelle prophètes. Vous allez voir Jérémie d'un côté et les autres prophètes, Ananie et l'autre, de l'autre côté. Mais l'un est inspiré de Dieu, l'autre par Baal et ainsi de suite. C'est pas que ceux-là étaient dans le camp de Dieu, ils sont allés dans le camp, que non. Ils sont comme ça, ils servent ça depuis. Donc, il n'y a pas de faux prophètes de Dieu. Il n'y a pas de faux pasteurs de Dieu. Il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. Il y a juste des faux serviteurs, virgule, qui sont des ouvriers. Souvenez-vous, dans le livre de Luc, chapitre 10, à partir du verset 1, le Seigneur Jésus-Christ va dire que la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. Puis il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ qui envoie des ouvriers. Ça se pose qu'ils sont mandatés par lui. Et ils vont travailler pour le Seigneur Jésus, pas pour eux. Parce qu'on dit que c'est la moisson du Seigneur Jésus. Et ils sont ouvriers. Quand on dit ouvrier, c'est quelqu'un qui travaille pour qu'on lui donne un salaire. Ils sont employés. Vous voyez, n'est-ce pas? Ils travaillent quelque part. Donc celui qui l'a employé, c'est Jésus-Christ, le Seigneur. Puis il va leur dire cela dans le livre de lui également. Il dit que lorsque vous aurez fait tout ce qui vous est commandé de faire, dites-vous que vous êtes des serviteurs inutiles. C'est ce que la Bible déclare. Maintenant, il n'y a pas de faux serviteurs de Dieu. Vous avez appris ça, n'est-ce pas? Vous avez compris et assimilé. Il n'y a pas de faux prophètes de Dieu. Il y a un faux et un vrai. Ici, l'apôtre Paul érige et nous donne donc tout ce que l'Écriture va détacher et ce qu'on va voir ce soir. Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. Je cite encore, il n'a pas dit des faux apôtres de Christ. Ça n'a pas de sens. Les apôtres de Christ ne sont pas faux. On dit ce sont des faux apôtres. Donc ça veut dire que dès leur nature, c'est qu'ils sont dans la, ils sont faux. On dit virgule, ouvrier trompeur. Donc ils travaillent dans le même style de chant que les vrais sont censés travailler, mais ce sont des trompeurs. Virgule, c'est pas encore terminé. Il dit déguisé en apôtre de Christ. Ça veut dire, comme ils sont déguisés, si vous n'avez pas le discernement, vous allez l'appeler apôtre de Christ alors qu'il ne l'est pas. Parce qu'il est déguisé. Saddam Hussein, l'ancien président irakien qui avait été débusqué par George Walker Bush Jr., avant son accession, avant sa déchéance avec les Américains dans la guerre du Golfe et autres là-bas, avait plusieurs sosies. Il avait les gens qui lui ressemblaient, qui présentent. Quand il voulait aller quelque part, il sortait avec au moins deux sosies, les envoyait dans une autre route. Il faisait diversion pour qu'on ne sache pas lequel est le vrai Saddam. Au point où les Américains utilisaient le gestuel, les images, pour pouvoir détecter lequel est le vrai Saddam parmi là. Parce que physiquement, tous étaient identiques. Qu'est-ce qu'ils étaient? C'était le déguisement. Donc ceux qui étaient des faux n'étaient pas le vrai Saddam. Mais ils étaient déguisés en Saddam Hussein. Mais il y avait un Saddam Hussein là-bas qui est le vrai. C'est parce que vous saisissez, frère. De telle façon que si on partait tuer un, on va croire qu'on a tué Saddam Hussein, mais on ne va pas dire qu'on a tué Saddam Hussein. On va dire qu'on a tué son sosie, ou bien quelqu'un qui est comme Saddam Hussein, mais ce n'est pas Saddam Hussein. C'est pas ce que vous me saisissez. Donc de la même façon, ceux qui sont déguisés en apôtre de Christ, quand ils font n'importe quoi sous le label de Christ, puisqu'ils font, ce sont les ouvriers trompeurs, ils sont des trompeurs parce qu'ils sont là pour une mission. On va dire oui, voilà les serviteurs de Dieu qui ont fait ceci, mais ce ne sont pas les serviteurs de Dieu dès le départ. Ceux qui connaissent les Écritures savent que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. C'est ainsi par les Saintes Écritures. Le Saint-Esprit dit que ce sont les ouvriers trompeurs, virgule, des ouvriers trompeurs, virgule, puis dit, c'est Moïse qui mérite de faire deux heures en détachant cela et en établissant cela dans les Saintes Écritures, des ouvriers trompeurs, virgule, déguisés en apôtres de Christ. Ça veut dire qu'ils ont porté un vêtement qui leur permet de ressembler. Ils essayent tant bien que mal d'imiter les caractères qui sont, et les caractères et les caractéristiques qui sont les caractéristiques et les caractères des disciples de Christ Jésus. Ça veut dire qu'ils sont obligés de regarder un modèle pour essayer de faire comme eux, exactement comme les Chinois font aujourd'hui. Vous faites quelque chose, vous voyez dans vos marchés, on fait Adidas, ils mettent Abibos. Quand vous venez sur le marché, vous n'avez pas le temps de regarder ces Abibos, c'est à la maison que vous rendez compte que c'est fait de Abibos qui est là-bas. Mais ils font cela, ils t'en changent le D en B, avec le même style de fleurs triangulaires comme Adidas, mais vous êtes surpris que vous regardez, que mais c'est pas Adidas. Vous voyez? Ils font un maillot, toujours exactement comme ça. Disait Drogba, c'est censé écrire derrière, il écrit Dogdra. Ce n'est pas une erreur qu'ils font. Parce qu'ils prennent toujours le mot, puis ils changent un peu. Pourquoi quand tu vas voir à distance, tu crois que c'est Drogba donc il est écrit. Mais quand vous venez prendre le maillot, vous êtes surpris du nom qui est derrière. Des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. C'est ainsi dans le cadre chrétien. Et donc maintenant, il faudra qu'on ait des bases solides pour essayer d'aller et disséquer et enlever le masque qui se trouve derrière chacun. C'est ce qu'il faut faire. C'est donc pour cela que dès le départ, il était question de placer la place du miracle avec la parole. Les miracles ne viendront jamais, les miracles du Saint-Esprit ne viendront jamais d'un esprit de mensonge. Jamais. Parce que la parole est vérité. Maintenant, si vous lisez le livre d'Éphésiens, Hébreux chapitre 2, on n'en a pas fini ici dans ce livre de 2 Corinthiens chapitre 11. Allons dans le livre d'Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Vous y êtes? Le frère Paul Espérance. Paul. L'Espérance. Paul. Le frère Paul. Alors, est-ce que tu peux nous lire le verset 1 ou verset 4 de Hébreux chapitre 2? Souvenez-vous de au chapitre 1, on dit qu'il soutient toutes choses par sa parole puissante. Regardez bien dans la façon que Hébreux introduit. Il dit que Dieu, après avoir à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps, c'est par le Fils qu'il a établi toutes choses. Soutenant toutes choses par sa parole puissante, par lequel aussi, vous voyez, il soutient toutes choses par sa parole puissante. Tout le miracle doit être soutenu par la parole. Allons-y, chapitre 2, verset 1 à 4, mon cher. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression est toute désobéissance a reçu une juste rétribution. Comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles et par des dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez, dans ces saintes écritures-là que nous venons de lire maintenant, il est question des anges eux-mêmes qui ont annoncé et on nous dit qu'on ferait mieux de ne pas nous détacher de ce que nous avons entendu, de peur de nous égarer loin d'elle. Vous voyez que la focalisation ici n'est pas sur les miracles qu'on a vus, mais sur ce qu'on a entendu. De peur de nous égarer loin d'elle. De loin de quoi? De les choses qu'on a entendues. Vous voyez? Et on dit clairement que ces choses ont été annoncées d'abord par les anges, par le Seigneur, par les apôtres. On dit maintenant, ceux qui ont vécu ces choses-là, Dieu appuyant quoi? Leur témoignage. Donc, les témoignages sont donnés C'est pas le témoignage qu'on vient dire dans l'église. Frère, j'ai un témoignage à donner. On dit, non, que j'étais endetté. Dieu a réglé ma dette. Oh, les Ivoiriens, là, je vois les gens sont en train de bailler partout, là. Vous êtes fatigué? Le frère, pour l'esprit, dit comme ça. Donc, tu es fatigué alors? Tu bailles ta femme, bailles le frère ici, bailles. C'est comment? Je vais prêcher. Même si vous dormez là, je vois quelqu'un tomber du micro. Je vais prêcher. Ça va finir aujourd'hui là. Maintenant, écoutez-moi très attentivement. Regardez. Il n'est pas question ici de ce témoignage que vous venez que, oh, j'étais dans les souffrances, Dieu m'a délivré. Ce n'est pas dont on parle. Jésus a dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, et vous recevrez une puissance. Après que le Saint-Esprit soit venu sur vous, et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit est donné, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit est donné pour le témoignage, pour témoigner du nom de Jésus, qu'il est ressuscité et qu'il est la solution pour le péché du monde. Il faut dire cela. Et Christ prouve qu'effectivement, il est le Dieu qui est ressuscité. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, ça n'est pas du témoignage que Dieu m'a béni, je n'avais pas de voiture, Dieu m'a donné la voiture, il m'a changé de maison encore. Non, ce n'est pas ça dont il est question. Dieu appuyant le témoignage par des prodiges, des miracles, ainsi de suite, des diverses dons du Saint-Esprit envoyé du ciel. Vous voyez, n'est-ce pas, frère? Donc, c'est l'ordre des choses là-bas. C'est que le miracle est derrière la parole. Parce qu'il se pourrait que Dieu prêche quelque part, il ne donne pas des miracles, il ne produit pas des miracles. Jean-Baptiste, quand il a prêché, ça a transformé des vues sans miracle. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Alors, dans Marc chapitre 16, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On croit en la parole qu'on prêche. Puis vient les miracles après. Puis vient les délivrances. Puis vient les divers dons du Saint-Esprit. Parce que la parole va subsister pour toujours. Mais les miracles vont disparaître. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Alors maintenant, revenons dans 2 Corinthiens chapitre 11. 2 Corinthiens chapitre 11, c'est là où nous étions. Lorsqu'on va avancer chaque fois, je vais faire un marche arrière pour faire asseoir cela avant d'avancer. Chaque fois, vous ne ratez pas. Parce que lorsqu'on va entrer dans les vidéos, ce sont ces règles-là que nous allons appliquer. Vous y êtes? Donc, dans 2 Corinthiens chapitre 11, tout à l'heure, nous avons vu au verset 13, la partie A. Il dit, ces hommes-là, je veux que vous gardiez à l'esprit ceci, parce que nous allons aller quelque part dans le livre de Romains tout à l'heure. Et ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6. Il dit, ces hommes-là sont des faux apôtres. J'ai dit, les saints écritures ne disent pas, ce sont des faux apôtres de Christ, parce qu'il n'y a pas de faux apôtres de Christ. Et soit tu es apôtre de Christ, soit tu n'es pas apôtre de Christ. Si tu n'es pas apôtre de Christ et que tu te nommes apôtre de Christ, tu es un ouvrier trompeur. Tu te déguises en apôtre de Christ, parce que l'apôtre de Christ, il y a le modèle dans la Bible. Dans Éphésiens chapitre 2, verset 20 à 22, la Bible déclare que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. L'apôtre Paul donne les ultimatums en disant que si quelqu'un bâtit sur l'œuvre que l'arbre a bâti, et qui prennent garde de la manière dont ils bâtissent. Parce qu'aucune autre fondation ne peut plus être posée. Donc la fondation qui a été posée ne peut plus être bougée. On doit continuer sur la construction. Alors si quelqu'un est un apôtre de Christ, il est un apôtre de Christ pour toujours. Il ne changera pas. Il ne pourra plus jamais être faux parce qu'il est un apôtre de Christ. Il a été engendré par Christ. Tu n'accouches pas un enfant qui devient un jour le serpent. Ce n'est pas possible, frère. Si vous voyez un souris là qui descend, c'est que ce sont les sorceries de Côte d'Ivoire là, et des Lobés. On ne peut pas voir un souris un jour qui devient le chat. C'est la manigance des enfants de Pharaon. Là. La norme de la nature veut qu'un chat et une chatte vont ensemble, ils accouchent un chaton. Le contact de l'être créé par Dieu avec la parole engendre les fils du royaume. On dit qu'ils sont nés de nouveau. Et tu ne peux pas naître de nouveau pour mourir de nouveau et naître d'ancien. Ça n'a pas de sens, c'est l'évangile qu'on prêche sur la terre ici. Vous naissez de nouveau, vous êtes nés de nouveau pour toujours. Eh bien, comment quelqu'un qui est apôtre de Christ, donc initialement, parce que pour qu'il soit dans l'appel, comme l'apôtre Paul par exemple, initialement, il se conduisait en persécuteur de l'église. Mais quand il est né de nouveau, puis il entre dans son ministère, parce que tous doivent naître de nouveau avant d'avancer, chacun entre dans son grade. Maintenant, quand tu entres là-dedans, comment peut-on dire plus tard que tu es faux? Comment? Ça veut dire que dès le départ, la nouvelle naissance n'est pas la nouvelle naissance, c'était l'ancienne naissance. Et on a un problème en milieu chrétien, des problèmes. Des problèmes. Donc, un apôtre de Christ ne peut pas être faux, il ne peut plus jamais être faux, parce que dès le départ, il est né d'en haut. Il est contrôlé par le haut. Le Seigneur Jésus dit dans Jean chapitre 3, verset 6, il dit, ce qui est né de l'esprit est esprit. Comment l'esprit de Dieu fait naître un être humain sur la terre et divisant cet esprit devient faux? Donc, même le Saint-Esprit qui est à l'intérieur est même faussé. On a des problèmes sur la terre. On a des problèmes sur la terre. Quelqu'un qui est né de nouveau ne peut plus naître d'ancien. De la même façon, comme l'enfant sort du ventre, il n'est un être humain, il ne peut devenir jamais le spermatozoïde. Il ne deviendra plus jamais le spermatozoïde. L'étape est terminée. Même s'il fait n'importe quoi sur la terre, il est être humain. S'il a l'accident, même si ça coupe les deux pieds, il est être humain. Parce que dès le départ, le spermatozoïde n'avait pas les pieds coupés. Il ne deviendra plus jamais sur l'étape de fœtus. Quand vous êtes sorti, vous naissez de nouveau, vous allez grandir dans l'étape qui est destinée pour vous. Alors, mes chers frères, mes chers soeurs, il n'y a pas de faux apôtres de Christ. Il y a les faux apôtres, comme la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13 dans la partie A. Ces hommes-là sont des faux apôtres, virgule, des ouvriers trompeurs, virgule, déguisés. Regardez maintenant, soulignez le mot déguisé dans ces 2 Corinthiens chapitre 11, dans ces 2 Corinthiens chapitre 11, verset 13, la partie B maintenant. Des ouvriers trompeurs, déguisés. Déguisés, ça veut dire qu'ils ont pris un état qui n'est pas leur. Ils ont un système de masques. Ils ont porté des masques. Ça veut dire qu'il faut les démasquer. Et nous allons voir effectivement que le rôle de l'apôtre qui a été envoyé pour faire ces choses était de les démasquer. Il avait un des rôles pour les démasquer. Et lorsqu'il les a démasqués, le Seigneur a félicité son œuvre. Parce que, j'en ai dit ceci parce qu'il y a des gens qui disent aujourd'hui que non, frère, il faut avoir peur du Seigneur. Car qui est-il pour juger le serviteur d'autrui? Si tombe, Dieu le soutiendra. Il n'est pas serviteur de Dieu. Si quelqu'un est serviteur de Dieu, tu lui dis la vérité, il va se redresser. L'apôtre Pierre, quand l'apôtre Pierre était dans la désobéissance, en faisant que même le, comment ça s'appelle, Barnabas avait été entraîné dans la dissimulation. Quand l'apôtre Paul avait vu, si vous lisez ça dans le livre de Galates chapitre 2, il a dit que voyant que l'apôtre Paul avait même, que Céphas ne se comportait pas selon la vérité, il l'a répréhendé parce qu'il était répréhensible. Quand on l'a répris, l'apôtre Pierre s'est corrigé. C'est parce que vous saisissez. Parce qu'il n'avait pas, il n'était pas dans la totale vérité de la révélation du mystère d'intégration des païens. C'est à Christ, c'est à Paul, l'apôtre, que le Saint-Esprit a donné cela. C'est-à-dire le Saint-Esprit qui en lui a témoigné que ce qu'il est en train de dire est vrai. Si toi qui es juif, tu commences à faire comporter comme le païen, pourquoi tu pousses-tu les païens à judaïser? La question était bien posée. Alors s'ils doivent se comporter comme ça, tu les fuis pourquoi? Des questions. Regardez les types de bergers que la Bible présente. Si vous regardez le cas de Saül, Saul est ce type de berger, et nous allons voir ça tout à l'heure, qui fait plaisir au peuple. Il se fait plaisir au peuple au détriment de la parole de Dieu. Ah non, malgré que la parole de Dieu dit, le peuple a dit qu'il y a des bons là-bas pour sacrifier pour l'Éternel. Tu parles. Mais regardez David, l'homme selon le cœur de Dieu, il dit ce que la parole a dit, il conduit le peuple à la victoire. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Le berger selon le cœur de Dieu. Le berger produit par les hommes, le désir humain. Fais-nous un roi, nous voulons les pasteurs qui parlent intelligemment. C'est le type de Saül. L'Hébreu souhaitait prendre le temps là dans l'Ancien Testament pour vous débrouiller cela là-dedans. Mais maintenant, revenons ici. Alors, déguisés, ces hommes-là sont déguisés. Il y a des virgules là-bas, ce sont des propositions qu'on peut... Ce n'est pas la proposition principale, ce sont des propositions subordonnées, relatives ou conjonctives que vous voulez appeler. Mais, ça veut dire que ces hommes-là sont déguisés en apôtres de Christ, depuis le 16 hommes-là, du premier verset. Vous voyez, ces hommes-là sont des gens qui sont déguisés en apôtres de Christ. Donc, dès le départ, ils ne sont pas apôtres de Christ. Ils sont seulement déguisés. La question maintenant, c'est mes chers frères, je vous pose la question. En quoi consiste le déguisement des hommes, des ouvriers trompeurs? Comment les ouvriers trompeurs se déguisent? Il faut que vous sachiez, tant que vous ne voyez pas ces gens déguisements, vous ne connaissez pas le style de masque qu'ils posent. Qui porte sur eux pour ressembler aux ouvriers du Seigneur, on est mal barré. Parce que si vous connaissez le masque qu'ils utilisent, les choses, les débris qu'ils portent sur eux pour pouvoir ressembler aux choses de Dieu, vous êtes mal barré. N'est-ce pas, mes frères? Alors, je vous pose la question. Pour savoir quel masque qu'ils portent pour ressembler aux ouvriers du royaume, il faut savoir quelle est la norme que les ouvriers du royaume ont. Il faut le savoir. Chers chrétiens qui m'écoutez dans le monde entier, je vous pose la question. Comment sont les apôtres de Christ pour que les autres, on leur dit qu'ils se sont seulement déguisés ainsi? Vous voyez ce que le Saint-Esprit nous a invité à faire? Dont le modèle, c'est le modèle présenté dans les Saintes Écritures. Ça suppose que si quelqu'un ne ressemble pas à cela, c'est un déguisé. Il va faire les efforts pour faire n'importe comment, il est déguisé. Vous m'avez suivi? Déguisé en apôtre de Christ. Puis l'apôtre Paul dit, et ce n'est pas étonnant. Il dit que le fait qu'il se déguise comme ça, ce n'est pas étonnant. Que c'est une stratégie de paternité. C'est-à-dire que c'est habituellement dans leur famille. C'est comme ça qu'ils se comportent. Leur père se comporte comme ça. C'est l'objet du verset 14, du chapitre 11 des 2 Corinthiens. Il dit, cela n'est pas étonnant. Dans la réunion familiale, c'est comme ça qu'ils sont tous sont comme ça. Ils doivent singer quelqu'un. Ils doivent ressembler à quelqu'un, essayer de ressembler à quelqu'un. Ce n'est pas étonnant parce que Satan lui-même se présente en ange de lumière. Ça veut donc dire que Satan peut se présenter pour te révéler le ciel et l'enfer dans une vision. Frère, il peut donner la vision de l'enfer, donner la vision du paradis. Jusqu'à ce que tu sors de la vision, tu crois que c'est le Seigneur qui t'a montré. Et ce n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est pas étonnant que c'est quoi? Frère, lisez le verset 14. Quand vous regardez comme ça, vous ne voulez pas qu'il parle alors? Frère Paul, tu ne veux pas qu'il parle? Vous allez sommer. Le frère, as-tu demandé? Tu y es? Le frère Asetou Adara, vous entendez, n'est-ce pas? Oui, frère, on t'entend bien. Ok, c'est très bien. Verset 14, lisons le verset 14. Qui peut lire le verset 14? Le frère Paul, lis-nous alors ça, le frère Paul. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange. Reprends encore ça, frère. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Oui. Il n'est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Entouré d'abord ses ministres. Ses ministres. Amis chrétiens, chers frères, chères sœurs, amis biblistes, prédicateurs à temps plein ou à temps partiel ou bien un quart de temps, j'ai l'insigne honneur de vous annoncer ce soir que le Saint-Esprit nous informe dans les Saintes Écritures que autant Dieu est esprit, Satan est esprit. Vous me direz que ce n'est qu'un rappel. Là n'est pas le problème. Que au-delà de cela, le Saint-Esprit nous informe que comme Dieu qui est esprit a ses serviteurs sur la terre, vous me direz encore que ça, c'est plausible, c'est déjà connu. Amis chrétiens, frères et sœurs, auditeurs qui m'écoutent, j'ai l'insigne honneur, ou mieux, j'ai le déshonneur de vous informer qu'en milieu chrétien se trouvent des ministres de Satan, dit la Bible. Entourez encore ces ministres. Ici, il n'est pas question de marabouts. Ceux-là, on les connaît dehors. Ici, il n'est pas question de président de la République. Que non. Ici, il n'est pas question de gens qui travaillent dans les maquis, dans des boîtes de nuit. Il n'est pas question d'eux. C'est une autre catégorie dans la Bible. Ceux-là, on peut facilement voir qu'ils vivent une vie luxueuse, une vie mondaine, contacte de vie païenne, réprimée par la parole de Dieu. Que non. Ici, il est question des gens qui se trouvent dans le service dit chrétien, donc en milieu chrétien. Frère Serge, c'est ce que la parole dit, n'est-ce pas, frère? N'est-ce pas? Alors, nous avons des problèmes. Amis chrétiens, si vous n'avez jamais entendu ceci, sachez que vous avez des problèmes. Ça veut dire que désormais, quand vous avez quelqu'un qui porte la Bible pour prêcher devant de vous, vous devrez avoir la réponse claire et nette que il est de Dieu ou il n'est pas. Vous devrez avoir cette réponse. Si vous n'avez pas cette réponse, vous pouvez être déjà dans la séduction. Parce que la Bible nous informe qu'il y a les ministres. Il a dit ses ministres. Le frère Paul, qu'est-ce qui s'est passé? Ta connexion s'est découpée tout à l'heure et tu as quitté le groupe. Le frère Paul, tu nous entends? Oui, ta connexion dérange. J'espère que vous m'entendez très attentivement. Voilà. Alors, mes chers frères. Voilà. J'ai dit, j'ai l'insigne honneur ce soir, ou mieux le déshonneur, de vous dire que les ministres de Satan se trouvent en plein milieu chrétien. C'est ce que la Bible déclare. Les ministres de Satan se trouvent en plein milieu chrétien. Donc, nous sommes dans des problèmes.